Oh, il est important de faire un petit point Maud. Oui. Bienvenue sur ce podcast. Je m'appelle Jadoul, toute l'équipe est là. Je vous le dis, on a démarré l'émission en speed parce que le before se fait en after, hein, comme ça vous savez. Donc on sait ce qui va se passer dans cette émission. Donc voilà, on a l'info avant vous, on va vous le dire. On a démarré cette émission en speed. Donc la présentation de l'émission, je vais la faire maintenant. Ok. Ah. Bonsoir Kix. Bonsoir. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Bonsoir Maëva. Bonsoir. Vous voyez que vous n'avez rien loupé en radio. Non, il faut quand même souligner que Maëva, oui, elle nous offre The New Maëva. Wow. Ça pourrait être le nom d'un bar. Le New Maëva. The New Maëva, chaussée d'Elsenberg. Ouais. Waouh. On tient un truc. Ah ouais, mais non, mais vraiment. Attends, il faut. C'est une pub un peu pop comme ça. Hey. Ok. C'est le New Maëva. The New Maëva. Disponible pour tous vos événements. Elle fait vos anniversaires. Elle fait vos cheveux. Elle vous fait l'amour. Non. Ah, pardon. Elle est là, avec sa nouvelle frange. Avec son nouveau t-shirt. Avec son tatouage. Avec ses dents en or. Avec son œil en verre. Mais non. Avec ses poils sur le torse. Stop. On perd ce bifort en fait. Je ne me sens pas bien. Je fais de l'hyperventilation. Bref. Je vois flou. Malaise vagal. C'était n'importe quoi et en fait j'ai juste changé de frange. Voilà, c'était. Le New Maëva. Ouvert du lundi au dimanche. 4h du mat, 2h du mat. Elle remonte le temps. Elle vous vend des clopes. Merci Maëva. Merci de rire, enfin je sais pas quoi dire. J'ai plus les mots. Moi je te dis, j'ai trop respiré, là, je vais me faire un malaise. Waouh! En tout cas, merci Maëva de nous avoir accueillis. Le fiston. Ah là, je suis shooté, moi. Ah là, ne comptez pas sur moi pour la suite. Ah bah si, quand même, il y a une émission à faire. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est le before. Bref, Maëva annonce la suite, moi j'ai décidé, là. Bah, c'est une bonne émission, il y aura... Mais non, mais wow, toutes les séquences de d'habitude, il y aura... Oh, c'est quoi les séquences de d'habitude, hein, qui nous rejoignent, on va parler, on va par... ben, on va parler d'une émission télé, on aura le Fallait nous le dire plus tôt. Le OK Boomer. Le OK Boomer, il y aura le FaceTime de Kix, l'Antoine News, où il nous parle de technologie, tout ça, tout ça. Et on va savoir qu'Angélique suce Antoine. Bref, il y a plein de choses à savoir. Non, on branle, pardon. Bref, tout ça, c'est ce qu'il y aura sur ce podcast. C'est n'importe quoi. Ah, y a pas de filtre aujourd'hui. Starts now. Faut faire le plein de bonne humeur. Ça tombe bien, vous êtes à l'heure. Dès 20h, c'est direct. On va rire, ce sera marrant. On s'en fiche du reste, on s'en fiche des autres. Les bons délires, ça, on leur fait confiance. Durant 2 heures, sans une prise de tête, c'est bien parti. On délire ensemble. Jadoul, Jadoul, Jadoul. Tous les mercredis. Jadoul, Jadoul, Jadoul. Dans la trappe. Jadoul, Jadoul, Jadoul. Tous les mercredis. Jadoul, Jadoul, Jadoul. Dans la trappe. 3, 2, 1. Tous les mercredis, la trappe avec Jadoul et toute son équipe en podcast. Waouh. Bienvenue, bonsoir. Hello. Hey, bonsoir. Ah. On démarre cette émission dans des conditions vous ne pouvez pas vous imaginer, mais nous sommes bien là. On ne va pas vous en dire plus que ça. L'important, c'est qu'on est là, loin des montagnes du Nevada. Qu'on embrasse, bien évidemment. Donc Jadoul n'arrive pas la semaine prochaine, on est d'accord, on est en direct là. Oui, hein. Oui, okay. Mais la semaine prochaine aussi, on sera là. Oui, la semaine prochaine, comme toutes les semaines d'ailleurs. Allez. Comme toutes les semaines à 20h. Allez, dans cette émission plein de surprises, notre invité sera Kix. Michael Youn. Bravo, il y aura, comme chaque semaine, une chronique d'Antoine. On lui en va parler de fibres encore aujourd'hui. La question du jour, Maëva, c'est. C'est quoi un la vaisselgie, pardon. Un vaisselier. Un vaisselier, c'est quoi un vaisselier? Bah, c'est pour ranger la vaisselle, voilà. Non, une vaisselgie, pardon. C'est quand on a le sang qui devient de la vaisselle? Non. J'ai une vaisselgie. Ah. Ça marche? Pas vraiment. Bon, on va le chercher. Si vous savez de l'autre côté ce que c'est une vaisselgie, n'hésitez pas sur mon Insta, Jadoul, ou sur TikTok, Jadoulito. On sera ravis de vous lire. Vous aurez peut-être la réponse avant nous. Merci de nous avoir choisis. Cette émission démarre maintenant. Attention, selon la science et quelques prédictions savantes, maintenant, Kix risque de faire une séquence en français et sans bafouiller. Non, je déconne. Partout en podcast. C'est Jadoul et son équipe. Tous les mercredis. Oh, tiens, ça faisait longtemps. Face au juge. Ah. Oh merde, je vous l'ai dit. Pardon, on coupe au montage. On coupe, oui, on a pas. Allez, on va faire quoi alors? On va écouter un son. Ok. Vous allez me dire, bon, dans quelle émission on est tombé? Ok. Concentrez-vous. Eh ben, la soirée s'est déroulée. Bon, on a bu quelques verres, voilà. Nous avons bu quelques verres, on met ça. Alors, dans quelle émission on est? C'est Elissi Moon, en tout cas. Ah oui, non. Mais, ah, fallait pas le dire. Mais si, là, on pouvait le dire. Non, mais il a essayé de caser une vanne de merde. Ah, Elissi Moon. Pourquoi Elissi Moon? Pour la voix. Bah, continuez. Oh, c'était pas son juge. Putain, on va aussi couper, attendez. Eh ben, la soirée s'est déroulée. Bon, on a bu quelques verres, voilà. Nous avons bu quelques verres, on met ça. On est dans quelle émission, là? Face au juge. Bonne réponse. Ah, je sais pas comment vous avez fait. C'était naturel. Donc ils ont bu quelques verres, on disait. Vous savez vraiment pas combien? Ben écoutez, j'avais acheté un cubi, donc on l'avait bu plus ou moins entièrement. Et là, notre magistrat, il est très fort en calcul. Un cubi, ça fait quoi? 4 litres? 3 litres, ça fait 4 bouteilles. 4 bouteilles, ça fait 24 verres. 24 verres à 2, ça fait 12. On est loin des 3-4, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, vu le calcul, il faut sauver les apparences. Il y en a encore dedans, quoi, je veux dire. Il n'a pas été vidé. Complètement. Pardon. Céline, la dame, là, explique que lorsque son mari était parti pour aller promener son chien, elle s'est fait agresser. Par... deux inconnus très méchants. Il est sorti, moi j'ai fumé ma cigarette en buvant mon verre. Et puis j'ai entendu, il est rentré, il avait la main et j'ai mis qu'il commençait à pisser, à saigner. J'ai mis pour compresser avec l'essuie-vaisselle. Je lui ai demandé s'il voulait aller à l'ambulance, mais j'allais pas prendre le volant. Ah, vu ce que vous aviez bu, c'est mieux, madame, ça, on va pas se mentir, c'est mieux. Ah oui, forcément, après un cubi, on prend pas le volant pour aller à l'ambulance. Pardon. Là, vous vous demandez, mais que fait-elle en détention? Bah oui. Bah franchement, elle a fait qu'aider son mari agressé. Mmh. Bon, attention, au moment où la police est arrivée et qu'elle a demandé ce qui s'est passé, elle avait une toute autre version des faits. Et ça, le magistrat n'a pas oublié de lui rappeler. Il m'a tapé au visage, alors j'ai pété un plomb. J'ai déconné, je le reconnais. J'ai pris un couteau et j'ai planté, et j'ai pété un plomb. Je suis devenue folle et j'ai pris un couteau, je l'ai planté. Je savais que ça allait arriver, je l'avais dit. Wow. Ok. Ok, ah, bon, on est loin des deux méchants garçons. Ouais. Elle a planté son mari. Mais Céline, enfin. Et j'ai l'impression qu'elle a un tout petit peu pris pour un con le magistrat. Et ça l'énerve. Du coup, il n'en perd pas son latin, justement, il va parler latin. In vino veritas. C'est-à-dire que quand on est sous, on n'a pas les capacités mentales d'inventer un mensonge. Qu'à chaque fois que vous buvez, vous vous mettez sur la tronche les uns les autres. Ça y va gaiement, hein. Il y a un gros problème dans votre couple, hein, madame. D'accord, donc la prochaine émission, c'est Sauve ton couple. Mais c'est pas face au juge qu'il faut faire. Je pense qu'il y a un petit problème, quoi. Mais va, on ne règle pas ces problèmes comme ça. Mais c'est pas moi, je m'appelle pas Céline. Ah oui, pardon. Une équipe bourrée de talents. De talents visuels. Oh, wow. Mais comme ici, c'est de la radio, c'est pas pratique. Mais enfin, c'est promis, ils vont faire de leur mieux à l'oral. C'est Jadoul. Partout en podcast. Mercredi. Comme chaque mercredi, on est là pour vous accompagner. Et franchement, il y a un truc qu'on oublie, mais c'est en fait l'émission croît. Oui. L'émission progresse. Elle évolue. On touche de plus en plus de monde. Ah oui. Ah. Mais c'est fou parce qu'il y a plein de gens qui commencent à me parler des délires qu'on a fait. Et moi, des fois, je les oublie. Quel délire. Ah oui, ok. Ah, vous vous souvenez? Ah, c'est vrai qu'on a fait ça. On a fait ça, nous. Rappelle-moi. Bah, Jadoul, je t'invite, il y a des podcasts si ça t'intéresse. Ça s'appelle comment? Bah, c'est Jadoul. Jadoul dans la trappe, Jadoul tout court, Jadoul et son équipe. Dans un instant, en parlant d'équipe, Maëva, on va enfin avoir la réponse. Pourquoi est-ce qu'il faut de la vaisselle dans les armoires? Non, c'est quoi une vaisselle? On dirait une énorme maladie quand même. Ouais, une allergie à la vaisselle, ouais. Ah oui, des gens qui n'aiment pas les assiettes et qui... Non, ça c'est les Grecs. Ah, la grecque, ouais. Bon bah ça n'a pas l'air d'être ça. Mais réfléchissez un peu. Antoine? Est-ce qu'Antoine a une idée? Non, absolument aucune idée. Bon. T'auras plus de vaisselle, Jadoul, tu peux tout casser, mais... Oui, mais vous savez... Quand je me lance à tout casser, regarde-moi si ça... Donc redis-nous le nom précis, s'il te plaît. Vessalgie. Qu'est-ce que la vessalgie? Voilà. Vous avez la parole sur mon Insta, Jajadoul. Sur TikTok, Jadoulito, on lit tout. Si vous grillez la réponse avant nous, ce serait quand même vachement bien, parce que vu les têtes qu'on tire ici, on n'a pas d'idée. Hein. Pas du tout. Pas du tout. Vous êtes curieux un petit peu de savoir comment se passent les réunions de famille chez Antoine Libot? Non. Oui. Moi, je veux savoir. Moi, je Est-ce veux qu'on savoir. Écoute la radio. Alors, c'est une vraie question, ça. Heureusement, on a des taupes un petit peu partout en Belgique. Et l'une d'entre elles a réussi à se glisser à la table d'Antoine Libot un dimanche. D'accord. Ok, il se passe quoi? J'ai l'impression que il y a du chin-chin. Ok. Cling, cling, cling, les mamies, elles trinquent. Enfin, pardon, ton entourage, Antoine. Bon, on continue. Allez. Michel, allez. Mais donnez-moi du vin rouge. Ah. Bon, c'est à base de vin rouge, hein. Ouf. Ah, les bandes de canailles qui font claquer les verres tout le temps. Oi, oi, oi. Mais donnez-moi du vin rouge. Oui, ça arrive, mamie, deux minutes. Antoine, sers du vin rouge à mamie, s'il te plaît. Je fais de mon mieux. Mais donnez-moi du vin rouge. Dépêche-toi, tu vois qu'elle en a marre. Oh, mais ça va. Mais donnez-moi du vin rouge. Elle est géniale. Je pourrais l'écouter durant des heures, cette mamie. On vous rassure, les dimanches d'Antoine Libot, en vérité, ressemblent à ça. Oui, ah oui, totalement. T'as envie de lever le voile un peu? C'est quoi un dimanche typique chez Antoine Libot? Mais c'est en général très calme, hein, un dimanche chez Antoine Libot. Autour d'un morceau de gâteau? Autour d'un morceau de gâteau, de préférence, bien sûr. Et après un petit Colombo pour digérer? Bon, Derrick, on a dit Derrick. Ah, Derrick, bah oui, c'est vrai, oui. Mais est-ce qu'il y a du vin rouge? Non, il n'y a pas de vin rouge. Mais donnez-moi du vin rouge! Non, elle n'en aura pas. Oh zut, c'est dommage. Bon, si tu voulais nous inviter chez toi, visiblement, vu comme tu reçois mamie, on n'est pas sûr de considérer l'invitation. On viendra avec notre propre cubi. Le cubi on de... videra en entier. Voilà. Bon, merci de nous avoir choisi. Oh, ça fait longtemps. Quoi? Oui. On prend deux pubs, on les fusionne, ça fait une fausse pub de Radio Famille. Ah. Allez, c'est parti. La page réclame qui va suivre vous est offerte par Radio Falminioul. Vous habitez la région Mons-Parinage. Votre état de santé nécessite des soins quotidiens ou occasionnels. La ferme des Quatre Chemins à Erken, dans les Hauts-Pays, vous prodigue des soins infirmiers à domicile avec compétence, douceur et empathie, tels que steak entrecôte américain, haché, brochette et autres, et surtout prise de sang afin de ne pas vous déplacer à l'abattoir. Vous ne devez rien débourser. Les vignettes de la mutuelle et la prescription permettent de vérifier la traçabilité. La devise de Cassoin, nous prenons soin de vous et vos proches, sont découpés et conditionnés sous vide en paquets d'environ 1 kg. Olivier Pouille, disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Un conseil utile, mémorisez dans votre répertoire paramédical le 0 472 71 92 18 47 03. Un jour ou l'autre, il vous sera utile. Et surtout, n'hésitez pas à laisser un message sur le répondeur avec vos coordonnées afin d'être dans leur chambre froide. Visitez le site fermedesquatrechemins.be. La publicité que vous venez d'entendre aidera Radio Falminioul à payer le courant. Merci. C'est Jadoul. En podcast. Alors, si je dois résumer ce qui arrive, c'est... Waouh, quelle imitation! Je mettrai un 7 sur 10 pour l'imitation. Merci beaucoup. Années de travail. On cherchait à savoir ce qu'est un vaisselier. Non, c'est quoi une vessalgie? C'est pareil, non? Non, vessalgie. Pas vraiment. Une idée? Moi j'ai dit ça ressemble un peu à un truc d'allergie, comme c'est un truc médical. C'est pas dans le médical, dans le monde. Si. C'est dans le monde médical. Ah, creuse, t'as peut-être la bonne ficelle. C'est un médicament? Non. Super. Dans le monde médical? Oui. Est-ce que ça a un rapport avec les vaisseaux? Non. Vaisseau, vessalgie, non. Bon. Okay. Pas du tout. Ça s'écrit V-E-I. Salgie. S-A-L-G-I-E. Vaisalgie. Mais ça se prononce Vaisalgie. Vaisalgie, une fausse envie de médicaments. Je sais pas, est-ce que c'est en rapport avec la peau? Non, pas du tout. Ah. Alors, j'ai un deuxième indice. Ça peut, c'est un autre terme qui veut dire la même chose. Ça se dit, alors, à ce qui paraît au Québec et en Belgique, mais j'ai jamais entendu ça personnellement, c'est xylostomiase. Ah, super. Non, réponse, toujours pas. Non, ok, vas-y. Super. C'est le terme médical qui désigne une gueule de bois. Voilà. Oh, c'est-à-dire la sensation inconfortable quand on a bu peut-être un petit peu trop, voilà, mal de tête, vomissement. Voilà. Mais c'est génial. Attends, vas-y, continue la définition. Mais gueule de bois, quoi, quand t'as trop bu et le lendemain t'as mal à la tête, envie de vomir, attention, la bite. Imaginez, Kix m'appelle un matin, je suis là. Putain, Kix, il est 8h du mat, t'es censé être là au bureau, qu'est-ce qui se passe? Oh, je suis désolé, mais là j'ai une vaisalgie. Oh merde! Ah, je m'en remets vraiment pas du tout. Oh, oh putain, mon pauvre. On peut lui envoyer des fleurs? Ok, bon. Bah, courage pour ta vaisselle. Merci. Je suis vraiment désolé. Les gars, Kix a une vaisselle, quoi. Oh non! Oh, mais... zut! Kix! Ah bah, c'est moi, mince. C'est la raison pour laquelle je vous ai fait deviner ça, parce que si un jour vous avez un problème avec votre patron, bah, dites-lui vaisselle, ça passera peut-être mieux que gueule de bois. C'est vrai. Jadoul, tu as oublié ce qu'on vient de dire, on est d'accord? Non, j'ai tout retenu. Mince. Vaisselle, ça marche plus. Ah merde. Oh. Voilà. C'est dommage, ça avait l'air de marcher pourtant avec lui. Bah, tu peux gueule t'en de bois toi-même. Hein, ah merde, il y a l'autre nom et là. Si, ouais, si je te dis que j'ai une xylostomiase. Voilà. Bah, je te demanderais, est-ce que je dois t'appeler Yel? C'est le mec qui comprend pas. Oui, je suis. Mais non, mais ça me fait penser à Britney Spears qui veut maintenant qu'on l'appelle Xyla. Ah oui? Ah oui, c'est son nouveau nom. Elle a annoncé ça en dansant avec des couteaux. Elle a dit maintenant, vous m'appelez Xyla. Mon Dieu, mon Dieu. Avec les baguettes pour faire du Xyla fun? Voilà, c'est ça, à peu près. Bon, on a tous été encore très brillants sur cette séquence. Merci, Maëva. Écoutez ma belle voix. Suave et envoûtante. Profitez-en. Parce que Jadoul est de retour. Et croyez-moi, lui, c'est tout l'inverse. Wow. Jadoul et son équipe. Tous les mercredis. Ah. Le Vega Astral. C'est maintenant. Bonsoir Dominique Vegas, le voyant des astres et le désastre des voyants, il est avec nous. Bonsoir Jadoul, vous m'avez piqué ma phrase d'accroche, mon slogan mon petit bonhomme, mais c'est pas grave. Ah bah alors ça va. Dominique, notre voyant est avec nous ce soir, vous allez nous donner le filon, vous voulez voir le filon? Non, signe fort de cette semaine selon vos cartes. Eh ben ce sera les Gémeaux. Ah, allez, on fait le tirage. Ah oui. En amour, si votre cœur est à prendre, il ne le restera pas longtemps. L'aventure amoureuse sera à portée de main. Revenez donc demain si vous voulez en savoir plus. Non, vous avez mal lu vos cartes. À portée de main. Ah ! Pardon, les miennes sont moites. Pour celles et ceux en couple, le ciel amoureux sera sans nuages. Vous voterez une lunette, une nénette, une nette accalmie dans votre vie sentimentale. Vos relations avec votre partenaire s'amélioreront sensiblement. Et quel est le conseil du jour pour nos Gémeaux, s'il vous plaît, Dominique? Alors, les astres facilitent la communication. Profitez-en pour nouer de nouvelles relations. Eh bien, super. Merci beaucoup, Dominique. J'aimerais rappeler que j'ai un cabinet de voyance à la gare du Midi, pardon, accessible toute la journée et non que le temps de midi, comme en ferait croire le nom. Mais n'ayez crainte, je ne mords pas. Enfin, sauf si vous me le demandez. Allez, c'est sûr. Dominique, c'était de la pub clandestine. Clandestine, vous dites? Vous dites ça parce que j'ai parlé de la gare du Midi? Non, allez, merci, au revoir Dominique. Okay, enfin bref, oui, mais bonjour la lune, bonsoir soleil, je vous embrasse goulûment. Oh. Tous les mercredis, c'est avec Jadoul. En podcast. Combiné. Tout à fait, il est l'heure de faire notre interview. Combiné. Le principe est simple pour une interview du média. Combini, le moins drôle d'entre nous se prend un coup de... Oh là là, c'était timide. Oui, mais, mais parce que tu lances un son, on s'est dit mince, on ne doit pas parler à ce moment-ci. Ce coup nous fait très peur. Oui, en plus. Moi, j'ai l'habitude de me le prendre. Donc l'équipe se prend un coup de... Combiné. J'adore. Ah, mais qui voilà ? Ah, mais c'est bien lui ! Ben oui, mais bien sûr, c'est notre invité du jour. Salut, c'est Mickaël Youn. Ah, et tu te rappelles exactement de ce que je t'ai dit avant l'émission ? Mickaël, on avait dit pas de pisse, pas de vomi. Et c'est ça, voilà, exactement. On est civilisés ici. Comment est-ce qu'on va faire pour être rigolo ? Ah, bah, je me pose la question chaque semaine. Quand je vois la page blanche au début, quand il faut écrire cette émission. Heureusement que j'ai une équipe de gens drôles. Bah oui, en vrai, ça va. On se débrouille. Je serai intransigeant cette semaine. Soyez drôle. Voici la première question. On démarre avec Antoine, c'est parti. Ah non, Dominique va revenir, arrête non, ça. Non. Ça pense que vous m'avez appelé. Sortez. Non. C'est comme si tu l'invoques. Dominique, rentre, panier. Ça me touche vraiment beaucoup que vous vouliez que je vienne toujours avec vous dans l'émission du début jusqu'à la fin. Déballe-moi. Oh oui, je vais te déballer. Non mais qu'est-ce que vous faites avec notre voix off là ? Arrêtez. Est-ce que vous connaissez les Kinder Surprise ? Embrasse-moi. Mais enfin. Faut leur brûler la bonnette. Arrêtez. Je suis tout à toi. Je vais te dire ton avenir. Mais arrêtez, mon arrêtez. Mon gros astre. Je te veux dans mon corps. Allez, j'y vais. Je suis désolé les amis, j'y vais à tout à l'heure. Là, on a eu un dérapage. C'était gênant. Ah oui, mais au-delà. C'est con, cette séquence était très bien cadrée jusque-là. Oui. Ça s'est joué à un En bed. Plus, on a demandé à Mickaël Youn de ne pas dire de conneries, puis voilà. Voilà, bah, on a dérapé avec quelqu'un d'autre. Bon, s'il vous plaît, on revient à notre interview. Voici la première question avec Antoine. Quand je reçois ma feuille d'impôt, j'ai le droit à un coup de fil à un ami ou pas? Oh oui. Je peux vous en témoigner. Et elles viennent d'arriver hein, en plus. Ah c'est vrai ? Oui c'est vrai. Oh me dis pas ça. Ah si. Ouf. C'est quoi des impôts ? Allez, bonne soirée hein. Et... Salut mon pote. Regardez Allez. Bien votre studio là. On va vendre la moitié le mois prochain. Maëva. Mon ordinateur peut-être. Quand La balle perdue. Quand j'ai dû passer mon permis. Énorme. Oui maman, tu veux savoir mes points du bulletin ? J'ai le droit à un coup de fil à un ami ou pas ? Refais-la Maëva. Quand j'ai dû passer mon permis. J'ai le droit à un coup de fil à un ami ou pas ? Antoine, c'était très vrai, t'as bien fait de me mettre en garde des impôts. Mais c'était pas drôle. Oui mais bon, ça avait le mérite d'exister. Maëva. Oh. Désolé. Antoine, question 2. Quand j'ai revu récemment Fatal. Je me suis pris une énorme claque. Ah oui, c'était lui, Fatal Bazooka. Ah oui, c'est lui. Ah oui, c'est vrai. Fallait remettre en contexte. Maëva. Quand j'ai cassé le clic-clac en le prenant pour un trampoline. Je me suis pris une énorme claque. Oh, c'est génial. J'avais 8 ans et je m'en souviens encore. C'est vrai, c'est une vraie histoire. Ah oui, c'est une vraie histoire. Waouh. Papa François, il a pas rigolé. Ah oui, je pense que. Ah, c'est trop bien ça. Mais donc, ça veut dire que pour toi, le clic-clac, tu le voyais, tu te disais. La Jusqu'au moment où 4 lattes sont passées. Enfin, je suis passée à travers 4 lattes. Et là, le clic-clac a dit. Oh, c'est bon ça. Kix, je pensais que ma copine dormait, donc j'ai changé le poste de télévision. Je me suis pris une énorme claque. Ah, ouais. Ça, ouais. Moi, tu crois que je me suis assoupi ouais. J'entends que la télé s'arrête. Quoi, qu'est-ce qui a changé? Qui a fait ça? Et là, tu fais une tête. Que t'aurais jamais fait en temps normal quand tu fais semblant d'être réveillé, tu fais. Ouais. Mais je suis tout à fait réveillé. Les énormes yeux là de. Quoi ? Moi mais je c'est dormais. C'est toujours comme ça. Hein. Ou alors vous savez quand vous êtes en couple en train de regarder la télé et que vous êtes en train de choper quelqu'un qui dort. Mmh. Vous ouais. savez ouais. Là tu te retournes et fais. Tu dormais ? Non. Non. Ou alors tu sais. Tu l'aurais dit une ou deux fois, et là la personne s'énerve. Non mais je ne dormais pas. Ah, mais moi je fais ça tout le temps, je m'énerve et parfois je me dis pourquoi je fais ça. Va dormir et puis c'est tout. Non mais le plus frustrant, c'est que la personne qui dort en général, c'est celle qui choisit le film ou le poste de télé. Non, de TV. Si. Le poste de TV. Le poste de télévision. Oh le poste de TV. Change le poste. Ah oui. Dans le poste ici. Hein. Ouais, on a fait un bond d'un siècle. Merci. Antoine. Désolé. Dernière question. Redevenir sérieux en radio. Ça va me rapporter beaucoup. Oui, ah. La crédibilité, peut-être, accessoirement. Maëva. Ce que je me suis dit quand j'ai à 10 ans fait ma première brocante. Ça va me rapporter beaucoup. Eh ben pas du tout. Oh. À peine un tour de chenille. Un tour de chenille. Oh c'est trop mignon. Oh ça c'est. Et tu sais quoi ? Si t'avais une frange, je l'aurais soulevée pour te faire un bisou sur le front. Non. Oh. Maintenant que t'as plus de frange. Mais t'es magnifique. Si, c'est gentil. J'aime bien cette coupe. Ah, c'est gentil. Dommage que c'est de la radio, parce que les gens devraient voir cette mèche. Cette mèche. Voilà, c'est... Merci, Jadoul. Ça m'hypnotise. Kix. J'écris un livre, ne pas bafouiller pour les nuls. Le quoi ? J'écris un livre, ne pas bafouiller pour les nuls. Ça va me rapporter beaucoup. Bah, si tu l'écris comme tu parles. Comme un pied. Ouais, comme un pied, ouais. Aux oignons. Aux oignons, comme un pied aux oignons. Kix. Bon, bah voilà, on est plutôt pas mal. Dans un instant, on aura le droit à l'Antoine News. De quoi va-t-on parler, Antoine ? On va parler des nouveaux tarifs chez Proximus, chez Base, on va parler de fibre optique et des nouveaux iPads, ils arrivent enfin. L'actu connecté et les dernières tendances, c'est avec Jadoul. En podcast. Et notre spécialiste des technologies nouvelles. Bonsoir. Présent comme d'habitude en studio et dans sa modestie totale, il va nous apporter le savoir du numérique, notamment les opérateurs qui revoient leurs abonnements mobiles. Et oui, on sent que le quatrième opérateur mobile, Digi, arrive, car les opérateurs historiques revoient tout doucement leurs abonnements mobiles. C'est Base qui a dégainé le premier en début de mois. Avant, vous aviez 6, 15, 40 ou 100 gigas de données. Aujourd'hui, la gamme est passée à 8, 25, 50 et 120. 120 gigas. Les prix sont de 15 à 39 euros par mois avec actuellement une promo à moins 20% à vie. Cette semaine, c'est Proximus qui a annoncé quelques ajustements dès le 1er mai sur ses abonnements mobiles hors pack. Alors, il y a un nouvel abonnement Mobile Smart avec 35 gigas de données pour 25 euros par mois. Et Mobile Maxi passe de 50 à 70 gigas, toujours pour 30 euros par mois. C'est quelques changements pour les abonnements professionnels. On voit donc que les opérateurs se mettent en ordre de bataille pour l'arrivée de Digi. À noter, puisqu'on parle des opérateurs, que Télé Net a annoncé une augmentation de ses tarifs de 3,5% dès le mois de juin en raison de l'inflation. Oh les sales. La tête de Jadoul. Voilà. Il n'est pas content. T'es chez Télénet peut-être. Tu peux dire oui parce que le hochement de tête... En train de flinguer son modem, mais c'est pas grave. Les auditeurs l'entendent pas ton hochement de tête. Ça c'est dur. Là je me suis pris un sacré coup. Je peux vous le dire que là je l'ai très très très mauvaise. Je verse, on va vous le dire, désolé pour le mot, mais je verse une coupe à Télénet chaque semaine, chaque mois. Ouais. Je crois que je suis dans les 80 balles juste pour avoir un malheureux internet qui vote. C'est toi qui choisis d'être chez Télénet, c'est nul. Non, j'ai pas le choix. Pourquoi ? Y a que. Ah mince, y a que Télénet. Ah, je les ai on tous fait venir. J'ai fait venir vous. Vous êtes venu, ils m'ont dit. Oh non, c'est trop compliqué, on peut pas vous raconter. Ok. Mais pourquoi ? J'ai fait venir Proximus. Oh non, le câble il s'arrête sur la façade. Ok, j'ai fait venir. Qui ? Bon, tous les Télénet. Télénet ? Et là il m'a fait non, pas possible. Et là j'ai tendu un billet de 50 balles. C'est pareil, qu'est-ce qu'on passe ? Et là j'ai tendu un billet de 50 balles. Et là le mec a fait bon, alors là, je peux peut-être voir quelque chose, oui, qu'est-ce que je peux faire ? Allez, je sais pas, faites quelque chose. Mais je ne sais pas, il n'y a aucune arrivée. Je ne sais pas possible. Bon, allez, venez, je vous prends. Hop là, venez, on va sur mon toit. Là, il y a des câbles. Mettez-vous dans ces câbles, tirez un truc jusqu'à mon balcon, faites un trou dans mon mur. Et mettez-moi internet. Et c'est comme ça qu'ils m'ont enfin donné internet en trouant mon mur, en passant par mon balcon, en défonçant mon appart. Et t'as fini par donner combien de billets au total ? 50 balles. Pas juste 50 balles ? Un pot de 25 balles. T'as vraiment. Waouh ! Mais j'ai pas le choix, le mec allait se barrer en mode. Tu sais que j'ai jamais su donner de pot de vin à quelqu'un. Ah, c'est le bois de Boulogne le truc. Ah bah oui, là, c'est terminé. Bref, passons. Télénet, ça va me faire perdre mes cheveux, là, c'est un truc qui m'énerve. On parlait il y a quelques instants, Digi prépare son arrivée. Et oui, c'est notamment le cas à Bruxelles. On présente donc Digi comme le nouvel opérateur mobile, mais cet opérateur belgo-roumain compte bien se positionner aussi rapidement sur les télécoms fixes dans certains coins de la capitale. Digi est en train de tirer la fibre optique. Elle est en cours de déploiement dans certains quartiers, si on en croit l'avenir qui cite le forum spécialisé Belcom. Rien à voir avec Belgacom, hein. Ici c'est Belcom. Okay. Une bonne chose donc pour la concurrence, même si on peut regretter que Digi ne passe pas par la fibre optique qui est déjà installée par Proximus avec qui ils ont passé un accord concernant le réseau mobile il y a quelques temps, puisque un peu comme le démarrage de Free Mobile en France, ils avaient pu bénéficier temporairement de l'appui du réseau d'Orange. Mais ici, Digi pourra utiliser les antennes de Proximus le temps d'installer leur propre réseau. Waouh, ok, d'accord. Et on en parlait il n'y a pas si longtemps, on change complètement de sujet, mais les nouveaux iPads arrivent. Et oui, ça se concrétise, puisqu'Apple a convoqué la presse tech le 7 mai prochain à 7h du matin, heure du Pacifique, c'est-à-dire 16h hein, chez nous. Le visuel du carton d'invitation dévoile un pencil, c'est le stylet de l'iPad, donc ça fait assez assez peu de doutes sur le sujet de cet Apple Event. Apple est attendu au tournant puisque 2023 est la première année depuis la présentation du tout premier iPad durant laquelle aucun modèle de la gamme n'a été mis à jour. La gamme de produits qui reste quand même fort critiquée par rapport à ses limitations logicielles pour un produit qui se veut être un remplaçant de l'informatique de l'ordinateur classique, notamment chez beaucoup de professionnels. Reste à voir donc si la pomme va enfin corriger le tir. On vous tiendra bien sûr au jus de pomme. Oh pardon, je t'ai buté. Je me... Merci Antoine, bravo. Jeu d'acteur en français. Disponible au cours Florent. Bébé, s'il te plaît, c'est l'heure du festival. Vous allez jouer en trois manches. Kix va vous faire deviner des stars avec l'aide de trois indices sonores pour chacune de ses personnalités. Dans ceux-ci, ça peut être un bruitage, un extrait d'interview, ça peut paraître bizarre, une musique, en clair ou en distordu. Soyez vigilants. Durant une même manche, ces trois sons peuvent former un rébus ou alors être tout à fait explicites. Réfléchissez à voix haute. Mais si vous pensez avoir la réponse, appuyez sur votre buzzer. Bonne partie. Et que le meilleur gagne. C'est l'heure du festin, à table festin. Tout le monde en santé, bazar ? Oui. Françoise ? Chadoul ? Chadoul. Parfait, alors on peut commencer tout de suite à deviner cette première personnalité avec ce premier indice. Pretty woman, walking down the street. Ah, c'est... Il y a plein d'indices là. The kind I like to meet. Tu dis ça comme si t'avais la réponse. Mais non, mais ça, le chanteur, on a tout. On a le film, on a le chanteur. Il y a un film avec ça ? Ok, j'ai rien dit. Mais c'est pas cinéphile aujourd'hui. Bon, quelqu'un a une idée ? Personne ? Non. Non. Vas-y. Ok. Deuxième indice. Allô, Georges. Bonsoir. Oui. Julia Roberts. S'amuse bien. C'est une très bonne réponse, c'était bien. Julia Roberts, ça fait un premier point obtenu. Qui joue dans Pretty Woman. Voilà. Voilà. Jadoul, non, tu veux... Non, personne, ça va, ok, nickel. On continue tout de suite avec la deuxième personnalité. Premier indice. Allô, Coxis, faites-moi confiance. Je suis pas charagiste. Vous êtes pire. Vous avez 2 mois de retard, les plans sont pas respectés. Attention, petit numéro 10, j'ai des relations. Des gens très haut placés qui peuvent vous faire des très graves ennuis. Des gens de haut rang. Ah oui. Attention, Jadoul qui passe sous le bureau. Non, Jadoul, je ne t'offrirai pas un point. Je ne t'offrirai pas un point. Mais du coup, ça me semble trop évident pour que ce soit... Ouais, voilà. Ça me semble évident. Mmh. Ok. Faut toujours attendre le deuxième ou le troisième. Ouais. Donc, deuxième à 10. Deuxième à 10. Je suis du métier. Alors ça, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de soupçonner les gens de racisme. Tu n'as pas le droit. J'ai rien soupçonné. Tu n'as pas le droit. Mais ça devient de plus en plus évident. Ah, c'était culte, ça. Ah oui, c'était culte. Bon, quelqu'un a une idée ? Toujours pas. Non. Je passe au dernier à 10. Jadoul ? Ramzy. Non, c'était pas Ramzy. Je suis sûr que... Okay, oui, quoi ? Non, mais j'ai lu dans tes yeux, c'est bon. Trop tard, j'ai grillé mon buzzer. Bah oui, en plus, bon, personne, j'y vais. Hein. Ouais, vas-y. Dernier indice pour cette deuxième personnalité à trouver. Guy Ben Jean. Ah oui, bah oui. Bah oui. Attendez, personne là ? Oui ? Bah, Jamel Debbouze. Mais... J'ai dit Ramzy. Bon. Ah, l'autre. Non, mais même pas. C'est même pas ça. Ah merde. C'est pas ah ouais Ramzy. C'est ni la... Enfin bref, bon bah du non. coup. Robert Ménard ? Non. Attendez, je vous remets le dernier indice. Vas-y. C'est une exclue. D'accord. Guy Ben Jean. Guy Ben Jean. Allez, il va nous l'envoyer et après on en sera en mode bah, ça bon, fait. Personne de là. Bon, je passe à une autre personnalité alors. Mais non, mais dis-nous. Savoir la réponse. Oui, dis-nous qui c'était. Mais Guy Ben Jean. Mais Jean Ben Guigui. Mais il faut nous dire la réponse. Mais voilà. C'est qui Jean Ben Guigui ? Mais si, on voilà. demande qu'à en rire. Non, c'est bon, c'est pas grave. Il était dans le jury. Et pourquoi on a eu Jamel Debbouze ? C'est un acteur. Oh mon dieu. Mais il n'y avait pas de Jamel. Il n'y a jamais eu de Jamel. Ah si, au début d'Astérix. Panoramisme. Troisième personnalité donc à deviner. Voici le premier indice. Pas d'idée. On pouvait pas savourer le son. Si, bien sûr. Tu veux que j'en mette ? Non, c'est bon. Deuxième indice de cette troisième personnalité à trouver. Nommé directeur artistique des collections hommes de la célèbre marque de luxe Louis Vuitton, l'auteur-compositeur-interprète se tourne donc vers la mode. Oui ? Pharrell Williams. C'est une bonne réponse ! Qui a la tête de Louis Vuitton, ouais. Voilà. Donc ça fait 2 points pour Maëva. On a fait 3 manches. Donc, en théorie, c'est une fin de partie et une victoire de Maëva. Chouette. Mais dites, je crois que c'est la première fois que je gagne au FaceTime un peu d'humeur, d'ambiance, de... Ouais. Mets-moi un son de gagnante, s'il te plaît, Kiki, parce que Jadoul, il a pas envie. Allez, son de gagnante. Guy Benjamin. Ah non, on va en tester une nouvelle aujourd'hui. Non, c'est vrai. Ouais, c'est bon, je valide. Ouais, sympa aussi. Ouais, j'aime bien. Ouais, nouveau. Ça sort de la prod, là c'est chaud, hein. On l'a démoulé. Waouh. Merci de nous avoir choisi. C'était le FaceTime à retrouver en podcast absolument partout. D'ici quelques instants, la deuxième heure commence avec plein de bonnes surprises. Ça se passe ici, une mission pour vous, vous ne bougez pas. Tous les mercredis, c'est la trappe. C'est Jadoul et toute son équipe. Partout en podcast. Merci de nous avoir choisis. On est là comme chaque soir pour vous accompagner. Vous êtes peut-être même là en pleine journée, étant donné que c'est la magie du podcast. Oui. Ou comme dirait Kix, le proscrasse-crasse. Le podcrasse. Je vous en. Ah, pardon, t'es là. On va balader. Hein. Oui. Excuse-nous. On avait oublié que t'étais là. Oh non. Si vous voulez, on va faire les inflops. Ah. Si je me mets à la bonne page. Je vais vous présenter. John Tenniswood. Oh, enchanté. Nice to meet you. Il vient de rentrer dans le livre Guinness des records. Il est désormais l'homme le plus âgé du monde. Quel âge? 111 ans. Oh, wow. Pas mal. Sa recette, il mange un fish and chips par jour. Quoi? Au départ, c'était le Vénézuélien. Ah, tu vois? Juan Vincent Pérez, qui était... À l'âge de 114 ans, l'anglais est maintenant le plus vieux de l'histoire, étant donné que l'autre est... Voilà. On l'embrasse. Passé à la tête. Voilà. Maintenant, voilà. C'est John Tenniswood, le douanier de l'humanité. Le douanier. Le douanier. Il n'y a pas de N. Le douanier. Douanier. C'est ça. Le douanier. Voilà. Merci. Ah, on m'informe que suite à la disparition de l'argent liquide et donc des pièces de monnaie, et donc des pièces jaunes dans notre porte-monnaie, Bernadette Chirac, âgée de seulement 90 ans, abandonne l'ambition de devenir doyenne de l'humanité. Car elle préfère crever. Oh, ça va. Allez, deuxième info qui flop, une inflop. Oui. Vous aimez les lapins? Oui. Oui. Est-ce que c'est mignon un lapin? Ah oui. Donc vous aimez les lapins? Ah oui. En France, le préfet de l'Hérault, lui, non. Pour lutter contre la surpopulation des lapins sauvages qui détruisent les récoltes et creusent des galeries qui abîment les jardins et golf, mais aussi la voie ferrée, le maire a décidé d'afficher sur les 60 panneaux publicitaires de la ville la recette du civet. Enfin. L'idée, inciter ses administrés à chasser et manger du lapin. Ah, le problème se règle par lui-même. Bah. Salut. Pardon, non, je sais pas, il y a quelqu'un qui a crié salut. On va écouter, attendez. Salut. Ah ouais. Effectivement. Je crois que c'est les voisins qui sont en train de... Est-ce que vous imaginez, quand il y aura trop de chats errants en reproduction dans la nature, la recette qu'ils afficheront... Ah bah oui. La vie ne fait pas de cadeaux. Le menu 12. Non, j'allais dire la recette du kebab. Ah bah... Allez. Ah oui, vous êtes vraiment dans le trash là, hein, on y va. Et troisième et dernière inflop. Ah oui, Venise. Ah, ville romantique, entourée d'eau. Alors vous le savez peut-être pas, mais il y a des opérations de nettoyage qui sont organisées depuis 2019 avec au total 18 tonnes de matière qui ont été repêchées au fond des eaux de Venise. Pas étonnant. On y retrouve 1600 pneus, des scooters, celui de François Hollande, un vélo, des machines à écrire, des chariots de supermarché. Bon, jusque-là, vous vous dites, allez, ouais, c'est classique, ce qui est balancé. On dirait l'évacuation de la douche. Voilà, c'est ça, quand tu vides le siphon. Mais on y repêche également des chaises, des téléviseurs, des casseroles, des gouttières et des restes d'échafaudage. Je suis preneur. Oui. Bon, ceci dit, le jour où ils reprocheront les 324 jouets sexuels, c'est que la maison à Venise de Jerem Star aurait été inondée. Ah oui, il faut faire attention à la montée des eaux. Hein. Imaginez si en plus de ça, la famille Pélissard se baigne dans l'eau. Oh non. Ah bah. Ben oui, il y en a une qui perdra les os dans 9 mois. Allez. C'était trop. Bon appétit, hein, si vous passez cette semaine. C'était très sale cette semaine. Une dernière ? Allez, une dernière. Ah oui ! Ah si, j'ai une bonus ! Soyons fous. Un jeune homme issu de la région namuroise, retour chez nous, s'est vu séduire durant 6 jours par une fille sur Instagram. Après des grandes conversations, pourquoi ne pas envisager de laisser place à la séduction, éventuellement de se voir. Tout se passe bien. Jusqu'à une petite incohérence dans la discussion. Oui, parce que en fait, toutes les photos étaient fausses et les messages vocaux ont semé le trouble chez l'homme de 24 ans. C'est là que Kix a décidé de bloquer la personne après 24 heures, car il s'est rendu compte que c'était une personne fictive. Ouais, c'est vrai. C'est une histoire vraie. Non. Casting pour remplacer Jadoul. Allez-y. Jadoul vous dit bonsoir. Le son ne va pas assez fort. Oh, c'est pas terrible. Suivant. Faire du Jadoul, c'est comme faire un bon gâteau. Non, ça ne le fera pas non plus. Désolé. Suivant. Tous les mercredis, Jadoul et sa belle fanfare pour le plaisir des oreilles. Bon, ben, tant pis, on va devoir garder l'original. Jadoul et son équipe. En podcast, tous les mercredis. Je propose un exercice qui n'est pas simple et je vais le demander à Maëva. Oui. Tu vas nous faire le jingle de tête. Dans un petit village du côté de la Wallonie se trouvent deux professionnels de la radio, Guy et Jean. Ils nous racontent leur histoire. Jean. Non, qui est... Ça fait 2 ans, mais oui, je sais. Mince. Elle est restée bloquée sur le Ben Guigui, Jean Ben Guigui. Guy et René. Deux professionnels de radio, ils vous racontent leur histoire. Bon, c'est presque ça. Mais là, ils vont jamais démarrer si on dit que ça. Je le retente. Ok, vas-y. Non, Antoine va le faire. Antoine, je pense qu'il peut le faire, on y va. Au cœur d'un petit village de Wallonie, chaque jour, René et Guy œuvrent à faire partager leur... Les ondes locales. Les ondes locales de Radio Falminioul. Des moments exceptionnels qu'ils nous offrent. Découvrez le jour où ils ont gagné un concours. Un voyage. Guy ! Oui ? Viens ici, s'il te plaît. Ah non, ce n'est pas moi qui ai fini le tube de pommade. Je n'allais pas te poser cette question. En tout cas, c'est pas moi. Si jamais un jour tu le découvres. Je t'informe que j'ai participé à un concours. Si je gagne, les organisateurs m'appelleront aujourd'hui. C'est pour ça que je te demande de rester attentif au téléphone. Bien sûr, René. Ne t'inquiète pas, tu peux compter sur ton bon vieux camarade. Promis, je surveille le téléphone. S'il ose bouger ou s'il disparaît, je t'appelle. Ah non, vu qu'il aura disparu, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Guy, je te demande de répondre à tous les appels entrants. Ne bouge pas, j'en ai pour 10 minutes, je fais un aller-retour à la supérette, je reviens au plus vite. Ramène-moi du nougat, s'il te plaît. Merci. Oui, d'accord. À nous deux, petit appareil téléphonique. Bon, ça fait du bruit. Ah mais c'est la sonnerie. Oui, allô? Bonjour, je m'appelle Marc, je travaille chez Energilux. Pouvez-vous me dire combien vous payez par mois chez votre fournisseur? Oh non merci, je ne suis pas intéressé. Au revoir. Energilux vous propose d'économiser de l'argent. Pour cela, non merci, je ne suis pas intéressé. Au revoir. Avec un nouveau... Oui, qu'est-ce que c'est? Bonjour, si je suis bien chez René, je vous annonce que vous êtes l'heureux gagnant de notre concours Voyage à Tahiti. Félicitations. Bon, je vous ai déjà dit non pour l'électricité. C'est pas avec du gel douche que vous allez me convaincre, hein? Au revoir. Ah, René, te voilà enfin. Tu as mon nougat? Oui, regarde dans le sac. C'est à côté de ma nouvelle culotte de plage. Si je remporte ce voyage à Tahiti, je la mettrai tous les jours. Un voyage? À Tahiti, tu dis? Ah bah oui, ah, c'est ce qu'il y avait à gagner. Pourquoi? Les organisateurs ont appelé? Non, du tout. Le téléphone a uniquement sonné à cause d'un démarcheur. Il voulait nous faire signer un contrat, mais j'ai dit non. Ah, d'accord. Merci, Guy. Heureusement que je peux compter sur toi. Il a même tenté de m'amadouer en me faisant croire qu'il m'offrait un voyage à Tahiti, mais je me suis pas fait pigeonner. Ça dit, c'est quand même fou que tout le monde a envie de partir là-bas, tu ne trouves pas? Oh, mais quelle andouille! Toi, je vais t'offrir un aller simple pour aller là-bas, et comme ça, tu ne reviendras jamais! Eh bien, tu vois, il y a un gagnant en fin de compte. Vous pouvez constater que la FM a encore du punch. A bientôt pour de nouvelles aventures chez Radio Falminioul. Le personnel médical qui encadre les gens de cette émission vous informe que l'état des patients n'a pas évolué. Hey, les médecins démissionnent. Non, non, on veut pas. Ces fous sont libérés 2 heures en podcast. Ça n'est pas acceptable. Jadoul et son équipe. Les gens se jettent dessus. Tous les mercredis. Et c'est parti pour... Pardon, j'étais en mode fond, alors que franchement, ça ne s'y prêtait pas du tout, alors que... Peut-être qu'un petit peu de réverb pourrait nous amener au... Oh, okay. Okay. Okay. Boomer. Comme toutes les semaines, je vous fais deviner les trois infos qu'il faut avoir pour briller en société ou pas. Ça, c'est à vous voir. D'accord. Déjà, il faut voir si vous allez les deviner, c'est déjà pas gagné. Info numéro 1, que... Oh, oui, pardon. Un non, mais c'est pas grave, laisse couler. Que risquent les fans de Kenji Girac? Moi, je dirais se faire remplacer leur pare-brise si l'impact fait moins de 2 euros. moins grand qu'une pièce de 2 euros. C'est ça le vrai. Non. Non. Non, c'est pas ça. Ok, super. Antoine? Je sais pas, pas très original, mais un petit procès en calomnie, diffamation. Ouais, si t'es fan de Kenji Girac, tu risques un procès. Non, mais s'il raconte de la merde, quoi. Ouais, non, ok, Jadoul, une idée. Si on est fan de Kenji en ce moment, on risque d'avoir un nouveau trou de balle. Mais figure-toi, pas du tout. Ce qu'on risque vraiment, c'est une arnaque. Parce que pour rappel, donc Kenji, comme tu l'as dit avec ta petite blague, a été blessé par balle donc dans la nuit de dimanche à lundi. Et aujourd'hui, mettez vos cœurs à l'aise, il est sorti d'affaire. Mais depuis cet incident, il y a un énorme pic de faux comptes qui sont passés, soit pour le chanteur, pour sa mère, ou même des autres membres de sa famille, ses proches. Et leur technique, ils font comme si il était à l'hôpital. Et en gros, ils demandent aux fans de l'aide pour Kenji. Alors, la plupart le demandent sur des groupes, donc c'est encore plus frauduleux. Enfin, je veux dire, si tu te rends pas compte qu'il y a le petit certifié, tu pourrais dire. Ouais, mais ils demandent quoi? De l'argent, là. Bah oui, forcément. Et en plus, on peut acheter la certification. Et souvent, c'est des trucs genre un peu litchi, tu vois. Genre, je veux dire, tu te dis, allez, c'est vraiment quelqu'un. En plus. Mais non, mais tu dis, je suis quelqu'un de vraiment fan. Allez, c'est immédiat de faire un virement de 5 euros. Mais il faut savoir que voilà, Kenji ne me demande pas d'argent. Donc, si vous êtes fan de ceci. Faites attention à vous. Info numéro 2. À Milan, que sera-t-il interdit de faire après minuit 30 en semaine et 1h30 le week-end? Klaxonner. C'est pas une envie comme ça. Klaxonner, c'est vrai que c'est possible. En règle générale, c'est interdit de klaxonner pour rien. Ah oui. Antoine? Faire des bruits coquins. Bon non, c'est l'Italie. Bah on sait rien, moi. Oh bien mort. Jadoul? Je sais pas. Manger. Oui. Oh non, oui, quoi? Si. Manger une glace, pizza ou autre collation trop tard le soir. En fait, c'est pas pour votre santé, hein, c'est pour assurer la tranquillité des locaux qui sont agacés en fait par le bruit des touristes, okay, qui vont, vous savez, les petits vendeurs de marchands de glace là, comme on aime bien des pizzas, etc. Et donc ça traîne dans la rue, ça fait beaucoup de bruit. Et donc il y a une proposition. Mais rassure-moi, à 23h ils font pas beignet, chouchou, chocolat glacé. Non, mais ils font du bruit le temps de déguster leur glace, ils se promènent, ils parlent en dessous des fenêtres des. Oh, comment on dit? Milanois, non, je sais pas. Milanais. Merci. Une escalope milanaise. Juste. Et donc, du coup, les Milanais, on en marre. Et voilà, il y a une proposition qui va peut-être être adoptée par la. Enfin, qui est susceptible d'être adoptée par la mairie. Et donc, du coup, cette glace sera en vigueur le mois prochain jusque novembre. Donc, si vous partez en vacances, faites attention à vous. Info numéro 3, pourquoi le retour de l'émission Secret Story sur TF1 fait autant parler de lui aujourd'hui, le lendemain de la diffusion, enfin, du prime numéro 1? Parce qu'il y a une mascotte qui est arrivée sur scène. Non, ça c'est Massinger. C'est... Antoine? Parce qu'il y a eu le pseudo-changement de la voix. Ouais, ouais, c'est ça. Quoi, c'est ça? Un complément d'information, il est pas complet. Parce qu'ils ont changé l'œil et ils ont mis un énorme cul. cul à la place de mettre. Custory. Après 7 ans d'absence, le bruit autour de Secret Story commence en fait avec Dominique Dufourcq, comme tu l'as dit, donc la voix emblématique de Secret Story, qui annonçait qu'en fait il se faisait remplacer et qu'il n'allait plus être là pour cette nouvelle saison. Ici la voix. Alors il y a une voix féminine qu'il a donc remplacée pour ce premier prime, qui était tant attendu, et il était diffusé en deuxième partie de soirée. Et ça a fait réagir pas mal de téléspectateurs, mais qui n'étaient pas trop d'accord avec ce changement de voix et qui n'étaient aussi pas trop fans des nouveaux candidats qui, avec des secrets trop évidents. Genre il y avait Kayleigh Blanc, donc, qui est connu pour faire la voix française d'Harry Potter, enfin je veux dire, si on l'entend parler, enfin, et puis il est quand même sur les réseaux, etc. Francesca et Charlène, qui sont un couple célèbre sur TikTok, le footballeur professionnel Alexis. Donc en gros, durant les premières. Enfin voilà, tout le monde n'était pas content et il y avait les réactions. Oh là sauf là, que à la dernière. Ça commère. Mais oui, mais franchement, il y a eu vraiment beaucoup de TikTok, etc. Je te jure, ça a explosé. Oh. Sauf que les dernières minutes de l'émission, tu sais, où tout le monde s'est endormi, vu que c'était la deuxième partie de soirée. Mais c'était à 23h30, mais ouf. Ah oui, non, franchement, vers 2h du matin, là, tu sais, quand tout le monde pionce dans le canapé, il y a eu une annonce en fait où la voix est arrivée et a fait sa petite annonce. Vous pensiez que j'étais parti ? Non ! Mais cette saison, plus que jamais, méfiez-vous des apparences. Et voilà, c'est la voix qui revient et en fait qui annonce que c'était une blague. Il n'y a pas de nouvelle voix, c'est lui qui reste. Et aussi, c'est pas la vraie Villa. Il y avait 12 téléspectateurs qui sont restés jusqu'à cette heure-là. C'était nous. C'est vraiment ça, parce que ce matin sur TikTok, ça a été mince. Je me suis endormie au mur, enfin au sol, 10 minutes intéressantes. Oui. Et tu le vois le lendemain sur TikTok, c'est con. Et donc voilà. Et c'est pas aussi la bonne maison. La voix, à la fin de ce petit message qui dure quand même, je n'ai pas mis entier, ça dure une minute, dit que c'est pas la bonne maison. Que, enfin voilà, tout ça, c'est du fake. Alors, est-ce que même les candidats seraient faux? Parce que justement, on disait qu'ils étaient trop faciles à deviner leurs secrets. Donc, est-ce que tout ça, le premier pas, ils mettaient une mascarade? Je ne sais pas. Donc, il faudra attendre l'émission prochaine pour savoir la vérité. C'est tout pour le moment. Waouh, Antoine, c'est ce truc. Antoine, tu fais vraiment bien la voix. Franchement, je suis bluffé. Tu sais quoi, t'as mérité ton jingle, Antoine. Sur, j'ai pas bien entendu la fin. Moi non plus. Ah, je connais pas cette. C'est une station de radio, je sais pas. K, dans trois lettres. Non. Non plus. Il y a plusieurs lettres, il y a moins de lettres. Sur le podcast. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour ne pas citer Énergie? Tous les mercredis, c'est avec un bon morceau de gâteau. C'est avec Jadoul. En podcast. Et bien voilà. Merci Simone. Alors, je vous propose un petit intermède musical le temps que je mette le bon bed. Allez. Hey. On bouge le bas du corps. Allez. Pour régler les bases sur votre autoradio. Samba, 1, 2, 3. Et samba, 1, 2, 3. Le pas, un petit pas à gauche. Un pas, un petit pas à droite. Et les bras, et les bras. Et les bras, et les bras. On abaisse, on abaisse. Oh, ça a transpiré, Jadoul. Ah, vous êtes bon en impro. Merci. Putain, vous êtes meilleur qu'en émission. Allez, salut en bête. Vous le reconnaissez? C'est le chrono quiz. Oui, le chrono quiz est de retour. Attention, je vous rappelle le concept, il est très simple. Vous avez 5 secondes pour sortir 3 réponses. Chacun jouera 2 fois. Ok. Et bien, je propose qu'on démarre par le fond, c'était hier la molaire. Oh, mais non. Allez, Maëva ? Oui. 3 de tes émojis préférés. Celui qui rigole en pleurant, celui qui est mignon et celui qui fait des cœurs avec l'aubergine. Les doigts. L'aubergine. Ok, d'accord. Ça passe. Et l'aubergine. Kiss ? Oui. Maintenant qu'on sait que la goulue est à l'aubergine dans ses favoris. C'est toi qui m'as dit de le dire. Ah, c'était à l'antenne, ça? Oui. On était à l'antenne? Oui. Ça a commencé. Ça a commencé. L'émission a commencé. On embrasse Pascal Pro et Alain Finkielkraut. Voilà. Alors, Kix. Oui. 3 choses que tu fais encore à l'ancienne. Encore à l'ancienne. J'ai rien. Manger des plats. Mince. Manger des quoi? C'est pas plat. Quid? Manger des plats. Ah mince. Qu'est-ce qu'il nous dit? À l'ancienne, même là, je serais toujours pas vous dire. Je crois que même si tu me laisses une semaine. Attends, on comprend. On refait la même. 3 choses que tu fais à l'ancienne, Antoine. Me brosser les dents, regarder la télé et. Mais c'est pas à l'ancienne, ça. Se brosser les dents? Ah oui, si vous avez pas de brosse à dents électrique. Bah non, j'ai pas de brosse à dents électrique. Ouais, à donc c'est à l'ancienne. C'est à l'ancienne, oui. La deuxième, c'était Regarder la télé. Ah oui, le poste. Avec un décodeur. Tu n'es pas sur Netflix. Non, on n'est pas Netflix. C'est vrai, t'as pas Netflix. J'ai pas Netflix, non. Ah, le nul. Je vis très bien sans. Par contre, il a 12 armoires de cassettes. Ouais. Non, c'est pas vrai. Mais en vrai, j'ai encore des DVD, moi, chez mes parents. Mais moi, j'ai encore plein de DVD, oui. De Clara Luciani en concert. Mm-hmm. Mais dites-vous, c'est une anecdote. Quand on a besoin de faire un documentaire, produire un doc pour la RTBF avec des vieilles archives de la RTB, on va servir sur la chaîne YouTube d'Antoine Libot. Parfait, oui. Avant, il y avait Lina, maintenant, il y a Antoine. Il y a la Sonuma de Padua. La Sonuma de Padua, voilà. Il y a Antoine Libot. Et franchement, c'est une vraie histoire que je vous raconte. Et écoutez la radio sur un poste, t'as les trois trucs à l'ancienne. C'est vrai, toi. Ça. Ouais, c'est vrai. C'était une les question gens sur la radio, mesure. Hein. Ouais. Non, non, si, il faut écouter la radio. J'ai pas capté ce que j'ai dit. Allez. Non, en FM. Mais Eva, trois applis que tu aimerais inventer. Une pour quand tu scannes, eh ben, tu sais d'où ça vient la marque. Une pour. Je sais pas moi, c'est beaucoup. En 5 secondes, j'adoue le nom. Sincèrement ? Tu veux ? Quoi ? Une appli qui me dirait ce qui va pas le matin devant le miroir. Une appli qui me dirait comment maigrir. Et une appli surtout qui me dirait si je suis belle. Jadoul, t'es beau, y a rien qui va pas ce matin, il faut pas que tu maigrisses. Oh, t'es la meilleure application que j'ai. Comment je t'insère dans mon téléphone? Tu isoles ce morceau. Ouais. Ouais, attends, sans rire, on va l'isoler celui-là. Le temps qu'on rembobine la bande à la sonde humaine de Padua. Merci Antoine. Kix? Ouais. Trois horribles cadeaux que tu as déjà reçus. Un livre sur. Un livre, un bête livre que j'aimais pas. Des boules de Noël. Et vas-y, un troisième, hein. Qu'est-ce que j'avais reçu? Si, hein, j'ai déjà reçu un t-shirt que j'aimais vraiment pas du tout. Bon, voilà. Mais bon, après, on fait semblant de rien, en fait. Ça fait plaisir d'offrir des boules de Noël à Kix. Plaisir d'offrir, je dois recevoir. Voilà, voilà. Antoine, trois choses dont tu es incapable de te passer durant un mois. J'ai pas compris le début. Antoine. Il a juste dit ton prénom. C'était oui. Ça. Mais j'ai pas compris le. Trois choses. Bah oui, tout le monde parle. Trois choses dont tu es incapable de te passer durant tout un mois. Smartphone. Ordinateur, télé. Et. On te susurre à l'oreille. On te susurre dans l'oreillette. Qui se susurre à l'oreille d'Antoine? Mais c'est ça coule de sens, évidemment. Bah, tu pouvais le dire. Elle sera contente. Là, je suis sûr, elle sourit derrière sa radio. Il vient m'envoyer un message pour me dire qu'elle nous écoutait. Waouh, déjà. Bon bah elle écoute plus. Déjà j'ai pas compris s'il disait qu'on embrasse ou un gros mot. Déjà. Articule wow. Quand tu cries. Quand tu satures. Je peux vous annoncer quelque chose? Oh. Antoine ne sera pas là la semaine prochaine. C'est vrai. Est-ce qu'il y a en plus? Allez. Mais ça c'est décidé maintenant. Voici pour Maëva. Oui. Trois choses horribles mais que t'aimes quand même. Les cornichons. Moi. Jadoul et Kix. Yes. Oh la salope. Pardon. Oh, me dis. Mais pas d'entre soi. Mais... C'est comme si on disait qu'est-ce qui vous dérange le plus, la molaire. C'est sympa pour Maëva. Mais qu'on m'appelle la molaire. Ah mais non, j'aime pas. Bon, allez, on en fait deux encore. Allez, bah, je suis nul, moi. Je trouve rien. Sympa ici. Mais ça, on sait. Je réfléchis. Attends, je réfléchis. Mais à quoi t'as pas le rêve? Ah oui, c'est pas faux ça. Kix. Oui. Trois applications que t'es incapable de désinstaller. Tinder, Messenger et Snapchat. Non, en vrai, ça, je m'en fous. T'as faim, ça. J'ai cru que t'allais me dire Tinder, je m'en fous. Et il me dit. Il a faim. Bah, mais regarde, la dernière fois, tu t'es fait arnaquer, t'es passé aux enveloppes. Non, c'était pas sur un site de rencontre. Oh là là. Bon, mais... on croise les doigts pour toi, Kix. Merci. Allez, on termine avec Antoine. Misère. Oh putain, j'ai peur. Trois trucs que t'aimerais qu'un robot fasse à ta place. Faire à manger, faire le lit. Et... Oh. Kix. Mais t'as Kix derrière qui fait un petit geste déplacé. Mais tu l'auras quitté beaucoup, tu sais, on va te faire un badge. Hein. Mais je savais pas quand je dis que c'était un robot. Hein? Ah bah c'est comme le réseau, ça tout fonctionne pas correct. Explique-nous tout. Maëva ? Non, Maëva. On est en retard. Mais on pourquoi vous savoir. Avez rigolé ? On a rigolé pour le geste obscène de Kix, on est d'accord ? Ouais. Oh, on a tous rigolé pour ça. Et la question c'était qu'est-ce qu'un robot t'aimerait qu'il fasse ? Non. Mais j'ai dit, je savais pas quand j'ai dit qu'il était un robot. Allez ! Mais baissé. Un pas à gauche. Un pas à droite. Mais c'était drôle, arrêtez. Il va falloir que je j'explique en rentrant. Oui, je pense que oui. Mais Angélique fait des à Antoine, quoi. Des quoi des... Pardon. Bon, allez, on y va. Allez, on coupe. Hein. Allez, les bras en l'air. Bourma, Eva, Kiram, Kiram, Kiram, Elram, Elram. Qu'est-ce qu'elle fait en fait, Angélique, comme un robot? Tu crois que si tu vas faire durer ça longtemps, je vais craquer, je vais le lâcher. Parce que c'est toujours ce que je fais. Mais non, je dirais pas. Elle rame. Elle rame. Elle rame. Elle rame. Elle rame. N'y touche pas. Ni demain, ni jamais. Maëva ? Des branlettes ! Ah ! Quoi ? Ah ! Make some noise. Tous les mercredis. C'est avec Jadoul. En podcast. Et c'est ton tour dans la monnaie. Maëva. Maëva, voilà. M, tu vois, il y a des M partout, moi je suis tout perdu. Molière, Molière. C'est ça que je voulais dire, c'est Molière. Non plus. Je zappe à la télé, je suis tombée sur des pubs et il y a des marques souvent qui présentent des experts pour vanter les mérites des produits. Je et suis Donald Meul. Souvent ils ont. Non mais. Et ça, je vous. Non, Donald, c'est pas un expert, c'est un génie. Stratifié. Et donc du coup, ils ont souvent les blouses blanches, les combinaisons de mécaniciens. Mais la question, c'est est-ce que c'est vraiment des professionnels ou des acteurs? Ah, le fact-checking. Mais yes. Fact-checking. Alors, mauvaise nouvelle, la loi, elle est assez souple, on va dire, parce que l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, ça arrive, ils expliquent que les marques, ils ont le droit d'avoir recours à des acteurs pour leur publicité, mais aussi de faire intervenir des professeurs du secteur, qui soient, enfin, des professionnels, pardon, du secteur, qui soient salariés de la marque ou pas. Mais malheureusement, ils n'évoquent pas le cas de figure où l'acteur joue le rôle d'un professionnel, donc c'est pas vraiment très clair. On va prendre des exemples concrets, comme ça, on pourra voir ce qu'il y en est. C'est qui le pro de je mets des professionnels dans mes pubs? Jadoul. Je dirais naturellement Carglass. Ah oui, Carglass. Exactement. Carglass répare, Carglass remplace. Bonjour, je suis Olivier de Carglass. Oh, Olivier de chez Carglass. Oh, mais c'est toute ma vie en pub. Bonne nouvelle, Olivier ainsi que Charlène, Jérôme, Sébastien travaillent vraiment chez Carglass. Ah ouais, Ouais. Et occupent vraiment les postes qu'ils disent dans la publicité. Donc il est vraiment mécanicien, il est vraiment. Enfin voilà. C'est vraiment des employés de Carglass. Les scénarios justes est quand même écrit à l'avance et les dialogues sont appris par cœur et répétés jusqu'au moment où ça soit. Voilà. Mais sinon, c'est vrai. Donc c'est pour ça que c'est pas naturel. Ils l'ont redit 100 fois et là. Bonjour, je suis Oli. Mais c'est un centième. Les gars, je peux arrêter. Je peux retourner poser des pare-brises. Moi, j'ai pas postulé pour. Bonjour, je suis Olivier de chez Carglass. Ça s'en boucle. Passons au rat B. Le dentiste Bertrand, il est vrai ou pas? Bertrand, vous êtes dentiste, qu'en dites-vous? C'est une réalité, Mac, et beaucoup ignorent que la plupart des problèmes bucco-dentaires sont liés aux gencives et à l'émail. Que suggérez-vous? Utilisez le nouveau dentifrice Oral-B, répare gencives et émail. Voilà, alors vous n'avez peut-être pas le visu, mais dans la publicité Oral-B, le docteur Bertrand Larmoyer, vous savez celui qui recommande chaudement le dentifrice, là, ben, en dessous de son nom, c'est écrit Londres. Pourquoi Londres? Parce qu'en fait, en France et en Belgique, le code de la santé publique interdit aux dentistes basés en France ou en Belgique, de faire de la publicité. Alors qu'à Londres, en Angleterre, c'est pas du tout interdit. Donc ils ont été chercher. C'est comme les notaires, les avocats et tout, et les psys, je crois, ils ont pas le droit de faire de la pub. Voilà, mais en Angleterre, si. Donc Bertrand, il a le droit d'être là et il peut dire ce qu'il veut. Mais donc voilà, il est vraiment dentiste, mais est-ce que Oral vraiment... B, pas menteur, vrai dentiste, mais. Mais peut-être que. Bertrand avait juste envie d'une petite dringuelle, si tu vois ce que je veux dire. Quoi ? Une dringuelle. Une dringuelle, viens chez mamie, t'auras une dringuelle. Ça veut dire quoi ? Okay. Une petite. Un petit bonus, quoi. Un petit bonus. Voilà, un petit bifton. Ah, un petit pourliche, une étrenne. Oui, des étrennes, voilà. Exactement. Dernier cas, si je vous dis que vous avez des problèmes avec votre lave-linge, vous me dites. Donald Meul. Pardon, qui voit Calgon. Calgon, bah oui. Quel lave-linge dure plus longtemps avec Calgon. Waouh, remets-le. Quel lave-linge dure plus longtemps avec Calgon. Oh, on a perdu Jadoul. Et dans ces publicités, il y a de tout. Hein. Il y a des chimistes, des plombiers, des chercheurs. Et bien, c'est que des acteurs. Voilà. Tellement c'est des gros mythos. Et là, franchement, ça se sent. Les lavages durent plus longtemps avec Jadoul. Putain, ça va être notre générique la semaine prochaine. Ramenez-moi les chanteuses, ramenez-moi les pastilles de lave-vaisselle. On va vous faire un petit. Carglass répare. Les lavages durent plus longtemps avec Calgon. Voilà, et ça, j'en rajoute. Nous créons votre cuisine. Ce soir, c'est Jadoul qui pilote. Je suis dans la ville. Pardon. C'est tout. Allez. Non, oui, voilà, mais c'est tout pour moi. En gros, je ne réponds pas vraiment à votre question. Parfois, c'est des vrais professionnels, parfois non. Donc. Toujours. Merci beaucoup. Il faut bien lire les petites lignes aussi, voilà. On a des pubs. Exactement. Parfois, c'est commandé par une étude chelou et il faut se renseigner. Exactement. C'est comme toutes les radios, quand il y a les audiences qui disent on est numéro un. On a explosé. La famille s'agrandit. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter. On est leader. Sur les gens qui portent des Santiacs et qui aiment la musique country. Il faut lire en tout petit, ça c'est génial ce qui est écrit. Vraiment, faites-le une fois quand il y a les audiences. Là prochainement, c'est quand les prochaines audiences radio à peu près? C'est une très bonne question, mais à mon avis, ça va pas tarder. Hein. Oui. Voilà, bah regardez les petits trucs tout en bas, c'est toujours marrant ça. Tous les mercredis, c'est avec un bon morceau de gâteau. Et c'est avec Jadoul. En podcast. Et bien voilà, merci Simone. Dans un instant, on aura le droit à notre blanklette. Ouais, Maëva, c'est quoi le blanklette? C'est des reprises de TikTok qui ont nous fait deviner, mais c'est des clettes souvent qui chantent. Ouais. Et vous retrouvez l'original. Truc pas très ouf. Voilà. Enfin, ils chantent bien, hein. Oui, ouais, bien sûr. Les artistes, t'as compris. Si vous avez deux à chaque oreille, quoi. Oui, c'est ça. À peu près, il faut pas plus, hein, vous savez. Non, oui, non. Moi, je suis déjà passé une fois dans le blanklette, mais vous, jamais. C'est vrai. Il faudrait qu'on essaye une fois. Non, t'inquiète. Merci. Hein. Non, franchement, te fais pas de mal. Un blanklet 100% gens d'ici, ce serait pas bien? Il n'y a que le patron qui a le droit d'être dans le blanklet. Oui, bon, ok, d'accord. Allez, oh tiens, ça faisait longtemps le certifié. Ah, et cette semaine, notre certifié est. Moi, c'est Audrey. Et aujourd'hui, je vous emmène une journée avec moi dans ma vie de community manager chez Talent Bruxelles. Talent Bruxelles. Waouh. Belle voix. Alors, c'est une plateforme publique de recrutement. Vous avez bien entendu, nous sommes dans le service public avec des fonctionnaires. Mais on est loin des clichés de la personne payée par l'État qui ne fait rien. Audrey, c'est une nerveuse. Elle est déter. 7h18, départ de Mons. J'arrive au bureau vers 8h20. Première étape, le thé et la lecture de mes mails. Elle est arrivée donc à 8h20. Ouais. Elle s'occupe, elle lit ses mails. Oh, tiens, il est déjà 14h. Alors, à 14h, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, je consulte notre site internet et je prépare les visuels pour annoncer les offres d'emploi sur nos réseaux sociaux. Alors, elle remplit des templates Photoshop ou Canva, d'accord? Mais elle ne fait pas que du copier-coller. Mes journées sont assez variées et dépendent des événements prévus. Je vais essentiellement nourrir la stratégie de com, partir de certains concepts, faire des visuels, du montage, de la vidéo, sans oublier la veille pour nourrir ma créativité. Oui, quand on commence à dire nourrir la stratégie, ça veut dire qu'on ne fout rien. Alors franchement, elle a un job de rêve, hein. Le niveau de stress équivalent à celui d'un distributeur de capotes dans un couvent. Bon, je suis désolé, on n'en a pas fini avec elle. Il faut qu'elle finisse sa journée. Fin de journée, le temps est passé vite, on remballe, on ramène tout au bureau et on se dit à bientôt. Ah oui, oh là là, il est déjà 15h30. fin de journée, du coup. Alors, elle est community manager, je vous propose qu'on découvre son travail, donc. Oui. On se rend sur le compte TikTok et Instagram de Talent Bruxelles et on va découvrir son travail dans les faits. Alors, ça, elle produit quoi comme vidéo? Elle va quand même pas faire... Attendez, elle est payée toute la journée pour faire ça, elle va pas faire une trend que tout le monde fait, quand même. Ça va, la région, bien sûr que j'y vais pas toute société. Bon, ok, d'accord, elle fait une trend que mais tout le monde fait. Mais enfin... Allez. Je travaille à région. Bien sûr que je monte dans un tram comme voiture de société. LOL, MDR, Kikou, Alors, je vous propose de faire un autre exercice. On va lire les commentaires qui sont sous la publication. Ok. Avant d'écouter chaque partie de la vidéo publiée. Ok. Vous allez voir, les gens sur Instagram sont absolument adorables et n'y sont pas allés de main morte. Ça va la région, bien sûr que je connais mes 11 000 collègues. Où sont les hommes? La parité, elle est où? Je travaille à la région. Bien sûr que mon big boss est un ministre. Je travaille à la région. Bien sûr que je suis parfaitement unilingue. Je travaille à la région. Bien sûr que je parle une Dutch Netherlands. Je travaille à la région, bien sûr que j'ai le temps de faire des postes à la con et être payé par les contribuables. Je travaille à la région, bien sûr que je me balade partout avec mon badge. Je travaille à la région, donc je branle rien, je glande H24. Je travaille à la région, bien sûr que j'ai juré fidélité au roi, obéissance à la constitution et aux lois du peuple belge. Je travaille à la région, bien sûr que j'ai le temps de faire des postes à la con en étant payé par les contribuables. X2. Je travaille à la région, bien sûr que mon entourage pense que je ne bosse pas. Je ne travaille pas à la région. Et bien sûr que je suis aigri dans les commentaires car je suis jaloux de ne pas pouvoir travailler à la région. Travailler à la région, bien sûr que j'ai 35 jours de congé. Oui, on a compris à la longue, hein, vraiment. La leçon, c'est... Je travaille à la région. Bien sûr que j'ai le job de rêve pour rien branler et bien le montrer. C'est Jadoul. En podcast. Est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce qu'on a notre réverbération? Est-ce qu'on oui. teste la réverbération? Oula, oula, oula, c'est oula, super. Oula. C'est absolument ce qu'il nous fallait. 1, 1, 2, 1, 2, ah, ah. Oula, pas beau. Ça grille un peu. Ouais. Ça grille. On va pas l'utiliser du coup. On, va faire, on va le faire à cap, oh, c'est pas grave. À cap. The music machine. Alors, j'ai eu un petit raté. C'était pas en canon, hein, c'était à cap. Hein. Ah, okay. À 4. Mais qu'est-ce qui te fait rire là-dedans? À 4, à cap. 4, 4 le chiffre. À cap, à capella. Hey! The music machine. The music machine. Allez, c'est parti pour la musique machine. T'es mordu. Ah, y a Jadoul qui mue. Ah oui, Jadoul adolescent. Et quoi? Ah ouais? C'est pas mes parents. Kevin, fais ce que je veux. Je vous rappelle le concept, c'est très simple. On doit retrouver titres artistes originaux. C'est un blind test, mais qu'avec des gens qui nous viennent de TikTok. Ah oui, et notre huissier de justice, j'ai oublié de le présenter. Avant de passer à la suite, quand même, hein, c'est le minimum. Oui, on le paye, autant rentabiliser sa présence. Je suis maître le feu. C'est moi qui mets vos points. Pour pas être une clète, faut gagner en plein clète. Je remercie le CPAS de me sponsoriser. Dites les gars, maintenant que j'ai fait l'enregistrement, je peux dormir dans le studio? Non, toujours non. Pas. Non? Franchement, j'essaye de m'en sortir et vous me laissez dans la merde. Avec plaisir. Bon. Allez, bonsoir, Maître Lefeu. Bonsoir. J'ai été me faire un petit café. Oh. Ensuite, j'ai pris une feuille, j'ai pris un bic et j'ai fini ma journée. Ah, bah c'est bien, vous pouvez travailler à la région. Allez, on y va. Oh, j'en ai marre. Bonjour. On joue, c'est parti. On commence avec la première manche. Still Loving You? Non. Oui. Amy Winehouse? Oui. Ah. J'ai pas le titre. Back to Black. Version de Cerise Guitare. We only said goodbye to each world. I died a hundred times. Eh, franchement, elle a un grain de voix. Hein. And I... Attendez, la porte grince. And I... Et elle a l'arme de la voiture. And I... Sors le WD-40. Le quoi? Le WD-40, le ah truc oui, que tu mets ah dans oui, le... Ah oui, il a dit oui. Il a dit oui. Ouais, WD-40. Vraiment, j'ai entendu l'autre jour, ça m'a choqué des gens dire oui, point. Ah bah bien sûr, oui. Tu viens du mais B, non, oui. Enfin. Mais bien sûr. Tu fais partie de ces gens-là. J'ai fait partie de ces gens-là, oui. Oh. Ah non, on dit plus. Oui. 3 fois W à la limite, mais on les dit même plus. Et est-ce que par hasard, tu fais des... Ouais. Je surfe dans le cyberespace. Deuxième manche. Jeannette Porquetevas. L'arte godas. Version TikTok de Chris. Lave tes godasses, merci. Super. Ah, fais la mire. Je suis maître le feu. On fait le récap des points avec maître le feu, s'il vous plaît. On en est où? Ça en fait un partout. C'est top. On y va, on se fait la troisième manche maintenant. Voudrais oublier le temps pour un soupir, pour un instant. Une parenthèse après la course et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver Dion oui. mes traces. Le titre non. Il parle à mon père. Je voudrais décrocher la lune. Je voudrais même sauver bonne équipe, la terre hein. Là il y a une bonne équipe entre Kix et Maëva là ce soir. Je voudrais parler à mon père. Je voudrais décrocher la lune. Allez, on y va, on se fait l'avant-dernière manche, mais je suis pas sûr qu'on ait le temps d'en faire plus que ça, donc... La la la, la la la, la la la la la, oh. Oh, oh. La la la, la la la, la la la la, la oh. SOS, Rihanna. Waouh. Je savais qu'en plus, ça allait plus, ça fait une égalité. Version TikTok. SOS, please someone. SOS, please someone. Waouh, c'est vraiment très très bon. On se fait la dernière manche. Nirvana, Smell Like Teen Spirit. Smell Like Teen Spirit. Waouh, ça a été si vite. Version TikTok. Et le meilleur moment, c'est ça. Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello. Je suis maître le feu. Les points, s'il vous plaît, maître le feu. Il y a 2 points pour Kix et Antoine. Et pour l'instant, Maëva, 3 points. Qui gagne? Maëva. Il est très très bon. Merci de nous avoir choisis. On se retrouve la semaine prochaine. On s'embrasse. D'ici là, c'est absolument partout en podcast. On vous fait des doux bisous. Passez une bonne nuit et à très vite. Merci toute l'équipe. Bisous. Ciao, ciao, ciao. Jadoul revient mercredi prochain.